Dans les rames, ça pue, ça sue. On ne compte plus les mains au jus. Ça ne marche pas une fois de plus. Je suis énervé, je suis fourmi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ma carte orange a vécu. Je veux que le chef garde soif que tu. Faut que je trouve un substitut. Car à pied, je suis pas rendu. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je vais devoir courir encore une fois. Je reste bloqué dans l'avenue, ma matinée est perdue. Je pointe à une heure indue. Dans le corridor exigu, mon patron et ses vêches. Me toisé, me passe en vue. Pour l'avance, mon c'est foutu. Sans métro, y a de la vue. Mais si je râle, c'est le chemin. Par mes clochers et prétus, je vais me retrouver à la rue. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe marrer les élus, jusqu'à l'Élysée reclus. Tout grand labo m'as-tu vu, se fait la tronche la profu. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. C'est plus sans pif France de lui. Ils nous rongent la sécu, usent nos vies et nos tissus, et nous jettent tous vers les cieux. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Dire que tous ces trous du cul se torchent avec nos écus, on devrait leur faire un refus. On va s'écraser encore une fois. Très mal.